J'ai compris que ce coup-ci c'était mon tour. J'ai vu ma mère, mon père, ma petite Sylvie d'amour, ma fille et mes deux fils, Sabrina, Bruno et Boris. Ils comprendront plus tard pourquoi j'ai fait la guerre à la police. J'ai aperçu Lydia, Jeanne et Soledad. Le temps s'est arrêté, mon cœur n'a pas cessé de battre. J'ai revu cette époque où j'avais un métier, mais là je vois un flingue sur ma gauche, deux grenades à mes pieds. Je vois la haine, les armes, la violence et le stress. Résonne dans ma tête la musique de Midnight Express. Je me vois en train de braquer, je brassais des briques, en train de kiffer la vie en claquant mon fric. Le temps d'une balle, j'ai revu mes hold up, mes bracos. J'ai revu Broussard, le commissaire, il donne pas cher de ma peau. Moi, à chaque fois que je m'exprime, je jette un froid. Mon nom c'est Jacques Mesrine, de l'évasion, je suis le roi. Le temps d'une balle, j'ai vu un tas de choses. Un tas de gens, un tas de gueules, un tas de roses. Un tapis d'argent. Même en étant pris dans les mailles du filet, en quelques secondes je vois toute ma vie défiler. Le temps d'une balle, j'ai vu un tas de choses. Un tas de gens, un tas de gueules, un tas de roses. Un tapis d'argent. À chaque fois que je m'exprime, je jette un froid. Mon nom c'est Jacques Mesrine, de l'évasion, je suis le roi. Je vous ai montré que mes armes n'étaient pas factices. Je vous ai aussi prouvé qu'on pouvait acheter la justice. À mes jugements, j'attendais pas ma peine pour faire appel. Juste le moment idéal pour me faire la belle. Je me vois au casino en train de vider la caisse. Je revois mes complices, mes compères, Reeves, Charlie et Bess. Si c'était à refaire, moi j'y retourne. Même si tous ces bracos, c'est vrai, auraient pu virer court. Le temps d'une balle, je revois ce flic qui me dévisage. Quand je changeais d'identité, quand j'étais l'homme aux mille visages. J'ai revu ce que j'ai fait à celui qui se fout de moi. Ces fois où je jouais des médias comme il joue de moi. Je me vois en train d'effectuer mon service militaire. L'Algérie, la guerre, ma mère dit que c'est ça qui m'a tué. Je me vois en train de trinquer en disant à la tienne. Le temps d'une balle, j'ai pas eu de peau, ils ont eu la mienne. Le temps d'une balle, j'ai vu un tas de choses. Un tas de gens, un tas de gueules, un tas de roses. Un tapis d'argent. Même en étant pris dans les mailles du filet, en quelques secondes je vois toute ma vie défiler. Le temps d'une balle, j'ai vu un tas de choses. Un tas de gens, un tas de gueules, un tas de roses. Un tapis d'argent. À chaque fois que je m'exprime, je jette un froid. Mon nom c'est Jacques Mesrine, de l'évasion, je suis le roi. Le temps d'une balle, j'ai refait mon mea culpa. Je regrette rien, je suis Mesrine, et s'il te plaît ne me saoule pas. J'ai vu toutes ces cellules dans lesquelles j'ai tourné. Une à une, toutes les prisons dans lesquelles j'ai séjourné. J'ai vu toutes ces fois où je criais mes vérités. On maltraitait les détenus dans les quartiers de haute sécurité. Tu sais, un homme préfère la mort sous une policière bastos que de crever comme un chien dans un trou de basse fosse. Je revois tous les barrages, j'en ai forcé plus d'un. Laissez-moi passer avec le butin avant que j'en bute un. Dans mes cavales, j'ai vu l'Espagne, le Canada. Aujourd'hui je meurs ici, mais j'aurais pu carner là-bas. J'étais déterminé, fallait qu'ils le comprennent. J'attendais rien de la société. Moi j'étais en guerre contre elle, la police nationale. Je suis le premier de ses soucis, elle a tiré 21 balles. Une n'aurait pas suffi, le temps d'une balle. J'ai vu un tas de choses, un tas de gens, un tas de gueules, un tas de roses. Un tapis d'argent. Même en étant pris dans les mailles du filet, en quelques secondes je vois toute ma vie défiler. Le temps d'une balle, j'ai vu un tas de choses. Un tas de gens, un tas de gueules, un tas de roses. Un tapis d'argent. À chaque fois que je m'exprime, je jette un froid. Mon nom c'est Jacques Mesrine, de l'évasion, je suis le roi. Le temps d'une balle, j'ai vu un tas de choses. Un tas de gens, un tas de gueules, un tas de roses. Un tapis d'argent. Même en étant pris dans les mailles du filet, en quelques secondes je vois toute ma vie défiler. Le temps d'une balle, j'ai vu un tas de choses. Un tas de gens, un tas de gueules, un tas de roses. Un tapis d'argent. À chaque fois que je m'exprime, je jette un froid. Mon nom c'est Jacques Mesrine, de l'évasion, je suis le roi.